Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, 107 MHz, vous pouvez vérifier. L'émission du lundi soir, le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, d'abord le calendrier, le 28, le 29 et le 30 avril. Ensuite, il y aura la musique, par exemple une chanson, Jacques Brel, ces gens-là, tiens. Par hasard, Louise Michel, la vie de Louise Michel. Ensuite, bien, Science et Vie, un petit article sur les neurones, sur la surdité, sur le loup, sur la pollution. Quatre petits articles chaque fois sur des sujets différents. Alors, une partie des articles, parce qu'ils sont, ils comportent en général plusieurs pages. Si vous voulez savoir le texte exact, ben il faut lire Science et Vie, quoi. Comme le journal, on peut pas résumer en quelques minutes la totalité d'un journal ou même la totalité d'un article parfois. Alors Léo Ferré, Le Printemps, une revue de presse, Vosges Matin, Ariel joue Fantaisie Chopin, c'est de la musique classique, privatisation, aéroport de Paris, à qui ça profite, par Adrien Quatennens. Ensuite privatisation des autoroutes, combien pour Vinci, les privatisations, encore est-ce le grand retour des privatisations, Léo Ferré nous chantera La Mafia, rien à voir avec les sujets précédents, bien entendu, oh non, ce ne sont que des ponctuations musicales, c'est tout, enfin, si on veut, le média, ils font un beau travail, le média, ils nous informent, eux, au moins. Alors, banlieue, violence policière, le média encore, Europe, avenir de la gauche, la musique, alors là ça sera une chanson, Les mains blanches, par Marc Augeret, Paul François, le repenti des pesticides, un cultivateur qui utilisait, comme tout le monde, des pesticides, abondamment, jusqu'au moment où il s'aperçut que ça le rendait malade, alors il a réagi, c'est dans ses politiques. Les consciences de François de Rugy, là c'est du sérieux mais moins sérieux, puisque c'est Charline, c'est les 2 minutes de Charline. De Charline, elle fait pas de politique, mais quand elle plaisante sur un sujet, elle dit beaucoup de choses en 2 minutes, elle. Pas comme les discours qui durent longtemps, longtemps et qui ne veulent rien dire. Elle dit sur le ton de la plaisanterie beaucoup de vérité. Alors le média, analyse du 20h, Macron et Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris en fumée, par Charline, de nouveau. Ah, deux fois Charline. Ah, ben oui, ben c'est bientôt la fin du mois d'avril, alors on en profite, deux rations de Charline, presque coup sur coup, ça fait du bien, ah oui. Et puis, une chanson de Marc Augeret, un gitan m'a prédit. Le calendrier des esclavages et des libérations, le 28 avril. Eh bien, le 28 avril 1871, en France, le Conseil de la Commune de Paris élit un comité de salut public qui doit parer aux problèmes les plus urgents. 1917, Russie, le premier numéro de Soldatskaya Pravda, la vérité du soldat, paraît. 1919, Suisse, le statut de la Société des Nations est fixé. La Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui a été créée après la guerre de 39-45. 1920, France, début de la grande grève des cheminots. 1927, Chine, dès le 5e congrès du Parti communiste chinois, réuni au Wuhan, accable d'invectives le bourreau Chiang Kai-shek, mais n'ose pas recourir à la seule arme qui lui reste, la mobilisation de la paysannerie. 1946, France, le 1er mai devient un jour chômé et payé. La journée de lutte des travailleurs est mise à égalité avec les autres fêtes patriotiques et militaires. On est loin de la loi de Vichy qui visait à vider le 1er mai de sa substance. 1952, Japon. Malgré l'opposition d'une grande partie du mouvement ouvrier qui réclame l'élaboration d'un traité universel, le traité de sécurité nippo-américain et le traité de paix signé à San Francisco en septembre 1951 entrent en vigueur. En principe, ils donnent l'indépendance au Japon, mais en pratique, Il s'agit d'une semi-dépendance vis-à-vis des USA dans les domaines économiques, politiques et militaires. Il y aura beaucoup de bases US au Japon. 1967, Grèce. Mikis Theodorakis crée le Front patriotique de résistance aux colonels. 1983, Argentine. Un document de la junte militaire considère comme morts les disparus politiques de 1976 à 1979. L'organisation des parents des disparus et des détenus politiques déclare qu'il s'agit d'un coup porté à la dignité du pays. Le 29 avril, 29 avril 1525, en Allemagne, les paysans de la région de Frankenhausen en Thuringe se soulèvent. Ils lancent un appel à Thomas Müntzer. La bande noire, entre guillemets la bande noire, se met en route. 1863, Russie. Les châtiments corporels sont abolis. En théorie. En théorie. 1894, France. Le 7e congrès de la Fédération des bûcherons du Cher constitue l'apogée de ce mouvement syndical. La dimension politique de la lutte s'accentue. 1912, France. Jules Bonneau, illégaliste, le plus connu des bandits tragiques, entre guillemets bandits tragiques, la fameuse bande à Bonneau, meurt suite à l'attaque par les forces de la police du garage où il s'était réfugié. 1916, Irlande. Après un premier succès dû à la surprise, mais sans mobilisation populaire, les derniers insurgés capitulent devant les forces britanniques. Londres instituera la loi martiale. 3400 personnes susceptibles de sympathies nationalistes sont arrêtées. Cette rébellion de Pâques, malgré son échec, aura une influence sur l'évolution politique des années à venir. 1929, Yougoslavie. Đuro Đuković, secrétaire du comité central du Parti communiste yougoslave, est abattu par la police. 1937, Espagne. La presse nationaliste annonce que Guernica a été bombardée par les Rouges au moment de leur repli. 30 ans plus tard, ce sera encore un crime d'affirmer la vérité, c'est-à-dire la vérité que Guernica a été bombardée par l'aviation nazie. Guernica a été bombardée par l'aviation nazie. 1945, Allemagne. Les 33 000 survivants du camp de concentration de Dachau sont libérés. 1945, Italie. L'ensemble des forces allemandes en Italie se rendent sans condition au maréchal Alexander. L'Italie est libre grâce aux alliés, mais aussi grâce à tous ceux qui ont lutté à l'intérieur contre la tyrannie fasciste. 1962, Algérie. L'OAS, c'est-à-dire Organisation de l'Armée Secrète, décide de détruire systématiquement tout ce qui peut servir aux Algériens indépendants. La vague de terrorisme qui s'abat sur le pays explique en partie l'exode massif des pieds noirs par peur de représailles. 1965, Australie. Le gouvernement annonce qu'il va envoyer un bataillon au Vietnam. 1983, Afrique du Sud, le conseil municipal de Pretoria décide d'interdire l'entrée des 17 jardins publics aux non-blancs par 23 voix contre 7. Une escouade de gardiens en uniforme, accompagnée de chiens dressés, tiendront les récalcitrants à l'écart. 1974, Italie. 5 dirigeants de la société Montedison. Montedison, tiens, Montefibre, Montedison, ça vous dit quelque chose? Qui a déversé pendant des années des boues rouges dans la Méditerranée, sont condamnés à 3 mois et 21 jours de prison avec sursis par le tribunal de Livourne, car nul ne peut s'octroyer la permission de polluer pour un profit industriel. Nul ne peut s'octroyer la permission de polluer pour un profit matériel. 1974, Italie. Ah. Le 30 avril. 30 avril 1525, en Allemagne, l'opposition intérieure à la ville de Frankenhausen s'unit aux paysans. 1660, France, révolte de milliers de paysans du Vivarais autour du Roure, laboureur de la Chapelle. Ils s'insurgent contre les impôts que Louis XIV lève pour financer ses guerres. 1833, France. Une ordonnance abolit les peines de mutilation et le marquage des esclaves dans les colonies. 1846, Australie. Henry M. note dans une lettre envoyée à sa famille restée en Angleterre à propos des aborigènes du Gippsland: on tue tous les hommes, femmes et enfants que l'on rencontre. L'extirpation des aborigènes est vue comme un bien pour la région. Vous vous rendez compte? 1848, France. Le journal ouvrier L'Atelier publie un contrat type pour les coopératives des travailleurs. 1891, France. Les patrons du textile de Fourmies s'unissent. Ils décident que le 1er mai serait un jour de travail comme les autres jours. Tout mouvement contraire à cette décision sera sévèrement réprimé. La décision est affichée dans les usines. Pour parer à toute éventualité, il faut venir la troupe et la gendarmerie. 1906, France. L'approche du 1er mai provoque la panique dans les milieux riches de la capitale. Au nom du patriotisme le plus pur, les capitaux fuient à l'étranger. Vous entendez ça, c'était en 1906, pas en 2019. Au nom du patriotisme le plus pur, les capitaux fuient à l'étranger. Les capitaux fuient à l'étranger. Eh ben, l'histoire, comme ça, comme une roue, tourne et revient à son point de départ. Quand elle a fait un tour complet, ben, on recommence. 1930, France, l'humanité du lendemain, c'est-à-dire du 1er mai, est saisie sous prétexte qu'elle devait être distribuée dans les casernes. 1940, Canada, création d'un conseil supérieur du travail au Québec. 1957, France. Le Parisien libéré de ce jour présente ainsi le 1er mai. Demain, c'est la fête du muguet porte-bonheur. Tradition remontant au mystère du Moyen-Âge, elle s'est fixée au 1er mai, à la fin du siècle dernier, et symbolise l'éclosion du printemps. Donc, voilà, le Parisien, soi-disant libéré, tient des propos comme celui-là, en 1957, vous vous rendez compte, elle est belle la France quand même. Ah oui, 1968, enfin une certaine France, la France du Figaro, la France de droite. 1968, France, l'organisation d'extrême droite, Occident, décide d'intervenir contre le déploiement de, entre guillemets, l'agitation bolchevique à l'université. Fermons les guillemets. 1969, Grèce, un décret-loi instaure le poste de commissaire du gouvernement au sein du conseil de toutes les universités, facultés et grandes écoles. Les 6 commissaires nommés jusqu'en 1972 sont tous des généraux en retraite. 1975, Vietnam. Les troupes du Nord entrent dans Saïgon. Une guerre de 30 ans s'achève. 1977, Argentine. Première des manifestations qui deviendront hebdomadaires des maires de la place de Mai à propos des disparus d'Argentine. La question « Où sont-ils ?» sera répétée semaine après semaine. Ces « folles de la place de Mai », entre guillemets « folles de la place de Mai », comme d'autres les appellent, seront pendant plus de 8 ans la conscience d'un pays de 25 millions d'habitants écrasés ou endoctrinés. 1978, Pologne, à Gdańsk, en cette veille du 1er mai qui depuis plus de 80 ans est le symbole de la lutte des ouvriers pour leurs droits, un comité de formation des syndicats libres de Baltique est créé. 1981, Argentine. Malgré l'interdiction du gouvernement, la manifestation des maires de la place de Mai est maintenue. 5000 personnes se réunissent sans incident. 1982, Pologne. 4 mois après la proclamation de l'état de siège, le couvre-feu est levé en partie et environ 1000 prisonniers politiques sont libérés. Mais les principaux dirigeants de l'été polonais restent dans les centres d'isolement. 1984, France. Répondant à l'appel de la CGT, de la CFDT, de FO et de la CGC, les ouvriers des chantiers de la basse Loire Alstom Atlantique débrayent suite à l'annonce de 2100 suppressions d'emplois. Alors j'ai cité des sigles là. CGT, eh bien c'est la Confédération Générale du Travail. La CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail. De FO, c'est Force Ouvrière, et la CGC, Confédération Générale des Cadres, au cas où on aurait oublié le sens de ces sigles, parce que, avec le temps, bien entendu... Lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Oui, sentait pas bon, enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Et si on parlait un peu de Louise Michel. Louise Michel, née le 29 mai 1830, l'année des Trois Glorieuses, entre guillemets Trois Glorieuses, une des révolutions récupérées par la bourgeoisie. Elle meurt en 1905, l'année de la révolution russe, réprimée dans le sang par le tsar Nicolas II. Toute sa vie est marquée par la révolution. Elle écrit « Tout s'est offert dans un seul chant, dans un seul rêve, dans un seul amour, la Révolution. » 1789, le souvenir de la Révolution bourgeoise. Son lieu de naissance, le château de Vroncourt en Haute-Marne. Son père, le fils du châtelain. Sa mère, une jeune servante du château, Marianne Michel. Son père ayant quitté le domaine, Louise est adoptée par les châtelains, qu'elle appelle ses grands-parents. Sa mère continue le travail domestique. Le grand-père, bien que châtelain, est un républicain convaincu. Vous voyez, tous les espoirs ne sont pas perdus. L'éducation soignée qu'il donne à Louise l'a fait sympathiser avec les luttes et les espoirs de 1789 et de la Première République. À deux reprises, elle refuse le mariage avec des hommes mûrs, de bon rang, désireux d'épouser une fille de bonne éducation. Elle fait comprendre à un de ses prétendants qu'il porterait des cornes de 100 000 pieds de haut sur la tête. Ses grands-parents morts, Louise doit quitter le château. Elle désire exercer le métier d'institutrice. Comme elle refuse de prêter le serment à Napoléon III, l'école publique lui est fermée. Elle fonde une école libre, une école privée, en Haute-Marne. Elle y applique les méthodes actives. Elle remplace la prière obligatoire par l'hymne républicain. Mais elle étouffe en province. En 1856, elle s'établit à Paris. Elle participe à toutes les manifestations anti-impériales. Elle exerce une activité littéraire importante. Elle a des contacts avec des militants de la Première Internationale, fondée en 1864. 1871, la Révolution vécue, la Commune de Paris. En 1871, c'est la guerre stupide de Napoléon III contre les Prussiens. Lors du siège de Paris, alors que le mouvement révolutionnaire commence à s'organiser dans la capitale, Louise met sur pied un service d'ambulance à Montmartre. Le 18 mars 1871, elle prend part à l'action des Parisiens pour défendre leurs canons. Elle souhaite que l'on ne s'arrête pas là et que l'on pousse jusqu'à Versailles. Un tel mouvement aurait peut-être changé le cours des événements. Pendant les 2 mois de la Commune, elle se dépense sans compter. Elle réclame le droit des femmes à défendre la révolution. La civilisation et la révolution, c'est pareil. Les armes à la main. Elle préconise un enseignement vivant dans des écoles professionnelles et des orphelinats laïques, chose inouïe à l'époque. Pendant la semaine sanglante, en mai, elle lutte sur une barricade à Montmartre. Elle n'est pas faite prisonnière, mais elle s'offre librement en échange de sa mère, l'ancienne domestique du château de Vroncourt. Condamnée à la déportation à vie, elle est embarquée avec un contingent d'autres communards pour le bagne de la Nouvelle-Calédonie le 24 août 1873. 1878. La révolution soutenue, l'insurrection kanak. Dès 1853, sous Napoléon III, les troupes françaises avaient occupé la Nouvelle-Calédonie. Ils n'ont pas trouvé une terre vierge. Elle était habitée par 50 000 à 60 000 kanaks, dont les ancêtres peuplaient l'île depuis des millénaires. Les colonisateurs regardent les indigènes comme une catégorie inférieure de l'humanité, incapable de progrès culturel. Les colons leur prennent les meilleures terres et les confinent dans des réserves. Louise Michel, après quelques années de déportation, jouit d'une certaine liberté. Elle apprend les rudiments de la langue kanak. Elle se met à leur école. Elle est acceptée par eux. Elle ouvre pour eux une école du dimanche à Nouméa. Elle y enseigne la lecture et l'écriture, utilisant une pédagogie nouvelle. Le 19 juin 1878, la grande révolte des Kanaks contre les colons éclate. La plupart des communards déportés prennent le parti des forces coloniales. Louise Michel soutient la révolte de ceux que les autres appellent des anthropophages. Pour elle, c'est la même lutte qui continue. Elle exprime dans un geste symbolique, elle partage en deux l'écharpe rouge qu'elle portait lors de la Commune. Elle en donne la moitié aux Kanaks révoltés. 1880, la révolution préparée, l'anarchie. En 1880, Louise Michel est libérée. Elle a 50 ans. Une foule immense l'accueille à son arrivée à la gare Saint-Lazare le 9 novembre. Désormais, elle se réclame de l'anarchie qu'elle dit avoir découvert pendant la déportation. L'anarchie fera le bonheur de l'humanité, dit-elle. Elle parcourt la France, séjourne à Londres, va jusqu'en Algérie. Elle est suivie pas à pas par la police. Les tournées de propagande alternent avec des arrestations. Elle intervient contre le chômage. Elle intervient contre le chômage. Vous remarquez que à la radio, à la télé, dans les journaux, c'est un mot qui est quasiment interdit, le mot chômage. Ah oui, trop dangereux, chômage. Contre la guerre, pour la grève générale, pour les mineurs de Decazeville traînés en jugement, pour l'affaire Vatrin. Le 22 janvier 1888, elle est blessée à la tête lors d'un attentat contre sa personne. Elle fait libérer son agresseur car il agit sans discernement. Dans cet événement, comme dans toute sa vie, deux traits de son caractère apparaissent clairement, le courage et la bonté. Elle meurt dans la 75e année lors d'une tournée de conférences à Marseille, le 10 janvier 1905. Quand ses mémoires ont paru en 1886, elles ont fait frémir d'horreur la bourgeoisie parisienne. Aujourd'hui, il y a à Paris une station de métro Louise Michel, un lycée Louise Michel. Personne ne s'en offusque. Pourquoi donc ? Thank you. Une bonne nouvelle. On avait cru jusqu'à il y a pas si longtemps que notre cerveau, il commençait à vieillir dès la naissance, qu'on perdait de plus en plus de neurones qui n'étaient jamais remplacés. Voilà, c'était assez angoissant comme chose, comme connaissance, comme pseudo-connaissance, comme méconnaissance plutôt. Eh bien, dans Science et Vie du mois de mai 2019, il est question de les neurones se renouvellent jusqu'à 90 ans. Ah, c'est une bonne nouvelle quand même ça. La découverte que nous avions réalisée en juillet dernier avait clos un vieux débat. Oui, nous fabriquons perpétuellement de nouveaux neurones dans l'hippocampe, zone du cerveau dédiée à la mémoire et à la gestion des émotions, et ce, jusqu'à 70 ans au moins. Eh bien, une équipe du Centre de biologie moléculaire de Madrid, en Espagne, vient de découvrir que cette neurogenèse, cette fabrication de neurones, se poursuivait jusqu'à plus de 90 ans. Elle ne décroît en fait que très faiblement avec l'âge, ajoute la docteure Maria Llorens Martin qui a mené l'étude. En examinant les cerveaux prélevés juste après le décès, et plus particulièrement les protéines exprimées à la surface des neurones, l'équipe a même quantifié ce phénomène. Un hippocampe de 40 ans contient environ 40 000 neurones immatures par millimètre cube. Par millimètre cube, vous rendez compte un peu? On a 1200 grammes de... Enfin, bref, tout ça c'est bien. Et un hippocampe de 80 ans près de 28 000. Par contre, nous avons aussi observé que cette neurogenèse était fortement impactée chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, pointe la chercheuse. Quel que soit l'âge du malade, mais aussi l'avancée de sa pathologie, son nombre de neurones immatures par millimètre cube chute en dessous de 20 000. Ce qui suggère non seulement que cette neurogenèse est essentielle pour maintenir un bon processus de mémoire, mais aussi que sa restauration constitue une voie thérapeutique prometteuse, conclut Maria Llorens Martin. Alors en cours dans Science et Vie, page 20 de ce même numéro, des virus modifiés ont le don de guérir la surdité. Thérapie génique. Rendre l'audition à des souris sourdes, c'est le tour de force qu'a réussi une équipe de l'Institut Pasteur en leur injectant simplement un liquide dans l'oreille. Bientôt un traitement pour l'homme, point d'interrogation. C'est la première fois dans le monde qu'on arrive à inverser la surdité chez un animal adulte, se réjouit Saïd Safieddine, directeur de recherche du CNRS à l'Institut Pasteur. Alors on a remarqué, ce laboratoire a remarqué, ces chercheurs ont remarqué que la surdité est souvent d'origine génétique. Alors il faudrait lire l'article complet, mais il est un peu long. Alors Science et Vie, toujours du mois de mai 2019, le mois qui va bientôt commencer. Ils ont publié leur revue avec un tout petit peu d'avance. 500 loups en France, point de suspension, et maintenant, point d'interrogation. Le seuil crucial aurait été atteint. Alors, par exemple, notre gestion de la prévention des dégâts du loup est un échec quasi total. Cingle Michel Meuret, dans nos modèles, nous avons eu tendance à prendre ce prédateur pour un idiot, alors que c'est un animal très intelligent et imaginatif. Il n'a pas peur de l'homme. La preuve, les loups se sont adaptés à nos mesures de protection. Ils attaquent désormais de jour et non plus essentiellement de nuit. Constate Laurent Garde du Centre d'études et de réalisation pastorale, Alpes-Méditerranée. On assiste même à des attaques dans les vallées habitées, enchaîne Michel Meuret. Je suis frappé par le nombre de témoignages de personnes avec des photos ou des vidéos de loups évoluant sans crainte près des habitations. On a un problème là. C'est un animal hautement adaptable que l'on retrouve du désert du Negev au Groenland. En passant par les forêts tempérées, les plaines céréalières et même des régions à très forte densité routière comme en Allemagne. J'ai vu un documentaire, je pense que c'était sur Arte, où on voyait une troupe de loups qui était étudiée par des scientifiques auxquels ils avaient mis un collier à un certain nombre d'entre eux, etc. Ils les suivaient avec des caméras, c'était fait très scientifiquement. Et ils avaient repéré dans cette bande de loups un jeune loup, enfin un jeune adulte, qui s'amusait à courir le long des routes et à suivre les voitures. Alors, il essayait de courir à la même vitesse que la voiture. Et lorsque une voiture s'arrêtait, eh bien, il s'arrêtait lui aussi et il venait tourner autour de la voiture en la flairant. Pourquoi? On ne sait pas trop. Et ce loup-là, comme il s'approchait de plus en plus des habitations, ils ont un peu pris peur à cause des enfants, etc. Et donc ils ont fini par l'abattre. À regret, parce que ces scientifiques-là auraient bien voulu continuer l'expérience plus longtemps, enfin la continuer, mais autrement. Et voilà, donc le loup, il s'habitue bien à nous, il est très malin, et comme il a faim, il est capable, bien sûr, de s'attaquer à ce qui pourrait constituer une proie, c'est-à-dire les personnes qui pourraient chez lesquelles il pourrait ressentir, par exemple, de la crainte. Hein, ou un problème de taille ou de bref. Danger pour la population, point d'interrogation. Il faut arrêter de se mentir, le loup peut être dangereux, il n'a peur de rien. Lance Antoine Nochy, écologue formé au pistage des loups aux États-Unis. Si les attaques sur l'homme sont rares, plusieurs cas ont néanmoins été recensés ces deux dernières années en Pologne, Grèce, Ukraine, Biélorussie, Géorgie, Kirghizistan, Iran et en Inde. Parfois par des spécimens enragés. Eh oui, ils peuvent attraper la rage aussi, en plus. En France, on signale aussi le cas troublant d'un jeune fils d'agriculteur pris en étau par une meute de loups agressifs dans la nuit du 5 juin 2015 à Seine-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. D'où le conseil largement partagé par les chercheurs, se garder ses distances avec ce grand prédateur. Toujours Science et Vie, page 40, transport maritime. Le casse-tête de la pollution. 3%, c'est la part des émissions globales de CO2. C'est la part dont est responsable le transport maritime. Si rien n'est fait pour limiter la pollution et que le trafic continue d'augmenter, ce chiffre s'élèvera à 17% en 2050. 60 000, c'est le nombre de décès prématurés par an. 60% de la population mondiale vit à moins de 150 km des côtes, où se concentre 80% de la flotte mondiale, d'où un risque plus élevé de maladies pulmonaires et cardiaques. 2020, diminution du taux de soufre dans le fioul. L'Organisation maritime mondiale veut faire passer ce taux de 3,5% actuellement à 0,5%, ce qui restera tout de même 500 fois plus que ce qui est toléré pour les voitures diesel. Oui, on nous casse les pieds, les oreilles, et ce que vous voudrez avec les voitures diesel. Eh bien oui, bon, il y a le kérosène des avions, il y a surtout le fioul des bateaux, hein, qui est très gênant de ce côté-là. Alors, il y a beaucoup de progrès à faire dans tous les domaines, bien sûr. Hein. Alors, on peut envisager des cargos électriques ou à voile. Il y a des problèmes dans les deux cas. En combinant les deux, on peut faire améliorer les choses considérablement. Et puis surtout, je crois que les Chinois ont compris que leur porte-conteneur qui amène avec pas mal de retard, pas tant que ça, des conteneurs en Europe, en Amérique, un petit peu partout, de marchandises, eh bien, ça pollue beaucoup, ça prend du temps, ça coûte relativement cher, et que la nouvelle route de la soie, c'est-à-dire des voies de chemin de fer, notamment, qui traverseraient l'Asie et l'Europe de part en part, c'est peut-être moins polluant, c'est moins bruyant, c'est plus rapide, et puis ça peut partir de n'importe où, arriver n'importe où, sans avoir l'obligation de passer par un port, etc., etc. Alors c'est peut-être ça la voie, hein, les voies de chemin de fer. Eh oui, là où c'est possible. Il y a la nature qui est tout en sueur, dans les hectares, il y a du bonheur, c'est printemps. Il y a des villas qu'on n'aime plus le temps, de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est printemps. Il y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux, eux, ils disent pas non, c'est printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs, il y a même du printemps chez le malheur. Il y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est printemps. Il y a des nuages qui n'ont plus de froid, on dirait là-bas, papa, c'est printemps. Et il y a le vent du nord qui a pris l'accent. Avec Mistral, il passe son temps, c'est le printemps. Il y a la pluie qui est passée chez Dior pour se payer le modèle Soleil d'Or. Il y a la route qui se fait nationale et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Il y a de la luzerne au fond des lits et puis Faucheurs qui lui sourit, c'est le printemps. Il y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un col à la santé des rossignols, c'est le printemps. Il y a le Beaujolais qui la ramène. Et Mimi qui se prend pour Carmen, ce printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballons qui n'ont pas vu. Titre vue de presse. La réponse cinglante de Ruffin à Rugy. François de Rugy. Cher François Ruffin, si c'est un succès quand votre film fait 20 000 spectateurs, qu'en est-il quand 500 000 citoyens participent à un débat et remettent des contributions? Réponse de François Ruffin. 20 000 entrées payantes. Jamais personne n'a payé pour voir François de Rugy. Même s'il nous coûte 9 940 € brut par mois. La production vise le profit, non l'utilité. Rien ne garantit que ceux qui peuvent et veulent travailler seront toujours en mesure de trouver un emploi. Il existe toujours une armée de chômeurs. Le travailleur craint toujours de perdre son emploi. Le progrès technologique contribue souvent à aggraver le chômage plutôt qu'à alléger le travail pour tous. La recherche du profit et la compétition entre les capitalistes sont responsables d'une instabilité dans l'accumulation et l'utilisation du capital qui mène à des dépressions de plus en plus graves. La compétition illimitée entraîne un immense gaspillage du travail et une paralysie de la conscience sociale des individus. C'est cette paralysie des individus que je considère comme le pire des maux du capitalisme. Tout notre système d'enseignement en souffre. On inculque à l'étudiant un esprit de compétition exagéré et on le forme à vénérer la réussite obtenue avec âpreté qui doit le préparer à sa future carrière. Et c'est signé Albert Einstein. L'impôt sur l'hydrogène. Dans l'hypothèse d'un parc automobile composé à 20% de voitures 100% électriques, le parc de centrales nucléaires actuelles ne serait pas en capacité de fournir l'énergie nécessaire à leur recharge. On se voile un peu la face avec les véhicules électriques, lâche Ludovic Parti en relayant la mise en garde des autorités françaises du nucléaire et en fustigeant les choix à courte vue et déclarations à l'emporte-pièce de la classe politique, déconnectée de toute considération technique, bien sûr, s'est-on tenté de dire. Pour lui, il ne faut pas sous-estimer une autre solution, l'hydrogène. Bon. Mais ne faut-il pas d'électricité pour produire l'hydrogène? Question. Cette énergie d'avenir, ce n'est pas encore totalement au point et dont l'économie reste à créer, offrirait une autonomie bien supérieure à celle des véhicules 100% électriques, de l'ordre de 400 voire 600 km, selon la taille des réservoirs, contre 150 à 200 km, explique Ludovic Parti, directeur de Perfoest. Si, en la matière, Toyota est pionnière avec son modèle Mireille, le groupe PSA a annoncé en février 2018 qu'il allait créer à l'horizon 2021 une offre de véhicules à hydrogène pile fonctionnant avec des piles à combustible. Ça, c'est certainement l'avenir, mais il faut y arriver progressivement. Piles à combustible et réservoirs à hydrogène ont débuté il y a 20 ans à l'Université de technologie de Belfort, Montbéliard, UTBM. Malgré les réalisations, figure le premier essai de pile à combustible, parmi les réalisations, le premier essai de pile à combustible de 80 kW sur motrice ferroviaire en 2006. Premier véhicule électrique urbain à pile combustible à stockage d'énergie sous forme d'hydrogène. Ben voilà, il faudra y venir, il faudra y revenir, mais il faut étudier la question bien à fond avant. Voyage au pays des jonquilles. Ben voilà, voyage au pays des jonquilles, ben c'est très bien, très bien. Ah oui, bon, il faut y aller au moins une fois à la fête des jonquilles. Hein, pas deux peut-être, mais au moins une fois. Mort aux urgences de Nancy, une enquête de police ouverte. Une enquête est ouverte après la mort d'une résidente du foyer ARS Pierre Vivier à Nancy. La victime aurait été tabassée selon des proches. Après un premier passage aux urgences de l'hôpital central, elle aurait de nouveau été hospitalisée à un service avant d'y décéder brutalement. Voilà le monde, le beau monde dans lequel on vit. Le monde que créent des gens comme Macron et compagnie. La ville fait appel à un détective privé pour révoquer un agent. Dans le différend qui oppose Jacques Pélissard, le maire de Lons-Saunier, à John Huet, son ex-adjoint en charge des ressources humaines, il y a la révocation d'un agent de la ville. Pour prouver qu'il est coupable de travail dissimulé pendant son arrêt de travail, la ville a fait appel à un détective privé. Eh ben voilà. Ben voilà. Je commenterai pas, hein. Non. Faut pas toujours tout commenter. Les gens, ils se font leur idée par eux-mêmes, comme ils veulent. Le biogaz à la rescousse du réchauffement climatique. Au contraire du gaz naturel qui, malgré son nom, est une énergie fossile, le biogaz de l'agri-GN Vosges est issu de déchets organiques et végétaux d'origine naturelle. Le taux de revalorisation énergétique d'un méthaniseur avoisine les 75%, ce qui en fait un des procédés les plus performants. Alors, est-ce que en brûlant, est-ce qu'il produit des oxydes d'azote, des oxydes de carbone? Je sais pas, peut-être, oui, peut-être, qui sait, hein? Ah oui, peut-être. Alors, la différence avec le gaz naturel est peut-être pas si importante que ça, hein? Bon, enfin, bon. Macron, Liao Yibu. C'est un entretien. Macron doit comprendre que Xi Jinping n'est pas un ami. Il y a 30 ans, les chars de l'armée chinoise écrasaient la révolte de Tiananmen. Yao Jiu avait alors dénoncé ce grand massacre, titre d'un poème qu'il avait jeté en prison pour 4 ans. Il témoigne aujourd'hui de la dictature passée et présente avec Xi Jinping. Alors Xi Jinping, il est d'autant plus redoutable qu'il est un des champions du monde du capitalisme débridé. Eh oui, et la République populaire chinoise a beau être dirigée théoriquement et peut-être pratiquement par le Parti communiste chinois, il n'est pas moins vrai que l'économie, elle fonctionne sur le mode capitaliste le plus sauvage, peut-être bien. Travaux d'isolation à 1 €, les précautions à prendre, changer sa chaudière ou isoler ses combles pour 1 € peut être une aubaine, à condition toutefois de faire attention aux arnaques qui circulent. Bon, eh bien, nous voilà prévenus. Photovoltaïque et autoconsommation électrique. Consommer soi-même l'énergie produite dans son logement ou son entreprise, l'idée se démocratise. Cette énergie peut provenir du soleil, du vent ou de l'eau. Mais c'est surtout dans le domaine du solaire que le phénomène de l'autoconsommation s'est développé. Ben voilà, une idée à creuser, à approfondir, à développer. Tout savoir sur les conservateurs. Parabènes, phénoxyéthanol, triclosan, point de suspension, autant d'ingrédients souvent pointés du doigt en cosmétique, à tort ou à raison. Voilà, faut chercher les réponses des spécialistes quand ils veulent bien les donner, quand on veut bien leur poser la question. La tension monte chez les fonctionnaires. Si la tension monte chez les fonctionnaires, alors là, la concentration de CO2 n'a jamais été aussi élevée depuis le Pliocène. Ah, là encore quelque chose de grave. Encore quelque chose de grave. Ça continue à s'aggraver. Eh oui, on est gouverné par les gens que l'on a élus. Eh oui, on a voté pour ces gens-là. Nous, pas moi, mais un certain nombre de personnes. Suicide chez les personnes âgées, les signaux d'alerte. La dépression est la principale cause du passage à l'acte. À l'image de la Franche-Comté, le Grand Est veut se doter d'un centre ressources psychiatriques basé à Reims avec des antennes à Nancy et Brumath. Eh oui, on veut empêcher les retraités de se suicider. Ah bon, et pourtant, ça irait bien dans le sens des idées de Macron de laisser les gens partir comme ça. Bientôt un cinéma de multiplex à Remiremont. Les premiers coups de pelle du futur cinéma de Remiremont seront donnés avant cet été. L'aboutissement de 9 ans de travail pour le promoteur et les exploitants. 6 salles pour 900 places dotées des dernières technologies vont changer la physionomie de la ville. Et gageons que cela va faire baisser le chômage. Cela va améliorer le niveau de vie du Remiremontain moyen. Face à la haine en ligne, Internet, proposition de loi, la diffusion de contenus haineux ou violents, ça suffit, c'est le message que souhaite faire passer aux plateformes Internet un nombre croissant de gouvernements. Mais le problème est complexe. Eh oui, la haine, la violence des gouvernants, la violence des banquiers, la violence des patrons. En ce qui concerne les accidents du travail, les maladies professionnelles, le chômage, les patrons de PME ont beaucoup de mal à recruter. Ah, tiens. Ce sont des propos électoraux, ça. Hein? Parce que s'ils avaient tant de mal à recruter, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de chômeurs, ou très peu de chômeurs. Alors, voyons, faut pas quand même qu'on nous raconte n'importe quoi. Fabrice Barbe, le patron de Vaugélis, est dans la place. Eh ben voilà, une bonne nouvelle. Je connais pas ce monsieur, je vois pas ce que ça va changer, mais bon, si ça prend une demi-page dans Vosges Matin, c'est que certainement, c'est très important pour beaucoup de personnes. Stage et formation en planning, au planning de la forteresse. Eh oui, le bénévolat. Alors, imaginons que les bénévoles fassent grève pendant 3 mois. Eh bien, on s'apercevrait que, ben, finalement, il y a peut-être un bassin d'emploi à créer, là, hein. On diminue le bénévolat et on augmente le salariat. Eh oui, et ce faisant, on fait baisser le nombre de chômeurs. Mais si on fait baisser le nombre de chômeurs, les salariés vont redevenir un peu exigeants. Ils vont vouloir des augmentations de salaire, ils vont vouloir des améliorations de conditions de travail. Ouh là là là là là, ben non, maintenant le nombre de chômeurs... Le nombre de chômeurs, c'est un moyen efficace pour peser sur la tête de la classe ouvrière, des salariés en général, et les maintenir au plus bas. Eh oui, c'est comme ça qu'on les fait obéir, en leur faisant peur. Un robot comme coach financier, prévision du solde en fin de mois, épargne automatique, catégorisation des dépenses, alerte d'opportunités d'économie, diverses applications, analyse vos comptes bancaires pour vous aider à mieux gérer vos finances. Le capitalisme géré par des robots. C'est rigolo, ça. Ben oui, tiens. Alors, c'est les robots qui vont devenir milliardaires, maintenant. Et puis les humains. Ah ben oui, ben tiens. L'école Montessori d'Épinal, là, le vent en poupe. Ouais, le vent en poupe avec 2 pages complètes de publicité dans le journal. Thank you. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, sur ce sujet, vous l'aurez compris, nous n'avons pas l'intention de vous lâcher ce matin, même si nous vous remercions d'avoir choisi de consacrer ce moment et de le circonscrire précisément à la question de la privatisation d'ADP, dont vous aurez bien compris qu'elle suscite l'émotion à travers le pays. On notera d'ailleurs que sur la loi Pacte, qui contient de multiples sujets entre les deux lectures de ce texte, la question de la privatisation des aéroports n'est que plus prégnante. Et à cette heure, vous le savez, une pétition largement soutenue atteint plus de 130 000 signataires contre cette privatisation, ce qui n'était pas le cas lors de la première lecture. C'est bien le signe que sur cette affaire, il n'y a pas que la représentation nationale qui s'inquiète de ce que vous avez l'intention de faire. Sur la loi Pacte au global, nous avons eu l'occasion de dire que nous divergeons sur votre vision de l'économie. Nous pensons et nous disons à nouveau que vous soutenez un modèle obsolète dans une loi qui prétend, qui a la prétention importante d'insérer les entreprises dans les enjeux du XXIe siècle et qui passe à côté de l'essentiel de ces enjeux, au premier duquel, bien sûr, nous l'avons dit et nous le redirons à l'occasion de nos débats, la question climatique. Sur la privatisation d'Aéroports de Paris, vous nous avez à plusieurs reprises déjà répondu, mais vous ne nous aurez toujours pas convaincus. La vente permettrait de rapporter 8 à 9 milliards, vous dites, pour créer un fonds d'investissement de l'innovation, mais chacun voit bien, compte tenu de la situation économique d'Aéroports de Paris, que cette situation permet d'ores et déjà d'alimenter ce fonds, si c'est votre intention. Aéroports de Paris gère notamment les aéroports d'Orly, de Charles de Gaulle et du Bourget. C'est de cela dont nous parlons. Ce groupe est devenu en 2018 numéro 1 mondial du secteur, avec 281 millions de passagers, une hausse de près de 8% par rapport à 2017. Ce serait la plus grosse privatisation française jamais réalisée, dont vous seriez comptable et responsable, tout secteur confondu. Alors bien sûr, Monsieur le Ministre, les candidats au rachat ne manquent pas. Le groupe Vinci, qui fait figure de favori, l'italien Atlantia, l'espagnol Ferrovial, et la région Île-de-France et l'ensemble des départements franciliens ont d'ailleurs publié un communiqué s'inquiétant du fait qu'ils regrettaient de ne pas avoir été consultés et qu'ils s'inquiétaient de ce désengagement de l'État. Bien évidemment, désormais, les seules opérations de privatisation qui restent possibles concernent des secteurs clés et des secteurs éminemment stratégiques comme celui-ci, puisque tout a déjà été bradé et Emmanuel Macron poursuit la grande braderie à laquelle il avait déjà largement participé lors du quinquennat précédent. On doit rappeler ici qu'Emmanuel Macron était en effet ministre de l'économie sous François Hollande et qu'il a à son actif la privatisation de l'aéroport de Toulouse, autorisant une vente à un groupe chinois peu recommandable, implanté dans des paradis fiscaux, avec à sa tête un oligarque corrompu, avec la gabegie que l'on connaît désormais, cet investisseur ayant siphonné une bonne part de la trésorerie pour s'octroyer des dividendes colossaux et qui essaye aujourd'hui de revendre le près de 50% de ses parts pour 500 millions d'euros, alors qu'il les avait achetées pour 308 millions et qu'il a entre-temps empoché 27 millions de dividendes. Au-delà de cette question purement économique, Aéroports de Paris, et ça a été dit, y compris par nos collègues des Républicains, est la première frontière de France avec l'étranger. La recherche exclusive de profits risque de se faire au détriment des enjeux de sécurité et de sûreté. Oui, Monsieur le Ministre, le futur acquéreur aura intérêt à toujours diminuer les effectifs destinés au contrôle de la sûreté des vols et des aéroports. Le futur acquéreur aura intérêt à toujours intensifier le trafic aérien au détriment de l'environnement. Le futur acquéreur pourra privilégier les profits à court terme, contrairement à l'investissement de long terme. Avec cette privatisation, nous laisserons la possibilité à des capitaux étrangers de faire chantage sur nos intérêts collectifs. Monsieur le Ministre, nous vous alertons aussi sur le caractère anticonstitutionnel de cette privatisation, car la Constitution de 46 est claire en la matière. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Par conséquent, ADP n'est pas privatisable d'un point de vue constitutionnel. C'est une perte financière pour l'État. La privatisation d'un monopole est toujours absurde financièrement. Pourquoi céder cette rente aux intérêts privés ? Cette vente qui rapporterait 8 à 9 milliards d'euros, dont une partie devrait être placée dans ce fonds, mais les intérêts de ce fonds seront moindres que ce que rapporte déjà aujourd'hui ADP à ses actionnaires. L'État pourrait donc engranger davantage en gardant ses parts. Vos arguments, monsieur le ministre, ne sont pas suffisants et j'espère que vous en avez d'autres sous le pied ce matin. Parce que vous dites régulièrement, c'est une entreprise concurrentielle. Mais c'est faux, car ADP n'a pas de concurrent dans un rayon de 300 km. Il exerce donc un monopole. Vous dites, il faut attirer des fonds privés pour pouvoir investir, pour développer ADP. Ce sont vos mots, monsieur le ministre. Mais l'État aurait très bien les moyens de réaliser ces investissements. Car en effet, ce n'est pas un problème de s'endetter pour investir, précisément puisque les investissements sont ensuite rentabilisés par les résultats d'ADP, et vous le savez très bien. Vous justifiez souvent votre choix en indiquant que, certes, les dividendes sont aujourd'hui importants, mais que rien ne peut présager du fait qu'ils ne pourraient pas s'écrouler à l'avenir. Très honnêtement, et même si je ne suis pas un amateur et spécialiste en la matière, et si le risque zéro en matière d'investissement n'existe pas, tout investisseur raisonnable sait que, au vu de la situation économique d'ADP, cet argument ne tient pas debout. Vous dites que ce ne sera pas une privatisation, mais une simple concession. Eh bien, nous avons un précédent en la matière avec les autoroutes. Les autoroutes, c'est aussi la question d'une concession. L'État a prévu de racheter les actifs au terme de la concession. C'est une situation sans précédent. Le risque est que l'État, et vous le savez, doivent débourser des sommes considérables, gigantesques à la fin de cette concession. Et sans le dire, c'est une concession à perpétuité pour le privé qui risque de se mettre en place avec cette privatisation. Bref, la vraie motivation de cette vente, monsieur le ministre, je veux le croire, est ailleurs. Est-ce un cadeau que vous envisagiez de faire à Vinci pour le dédommager de l'arrêt du chantier Notre-Dame-des-Landes? Je vous pose la question, j'attends votre réponse. Ou alors, compte tenu du fait que vous avez déjà choisi votre banquier d'affaires pour mener l'opération, lequel a rejoint En Marche et été chargé de la collecte des fonds pendant la campagne présidentielle, est-ce aussi une manière éventuelle de le remercier? C'est une question que je pose, et sur un certain nombre de points, nous attendons toujours vos réponses, monsieur le ministre. Pierre, vous nous parlez aujourd'hui de cette polémique déclenchée par Vinci qui veut faire payer les automobilistes qui sont passés gratuitement au péage lors des mobilisations des Gilets jaunes. Oui, alors d'abord, c'est pas tout à fait surprenant que parmi les trois grands groupes qui se partagent le réseau autoroutier français, ce soit Vinci qui sorte du bois. Pourquoi ? Parce que, d'abord, bon, son réseau, il est situé essentiellement dans le sud de la France, c'est-à-dire là où les blocages de péage étaient les plus importants, les plus nombreux. Et puis, c'est vrai que pour Vinci, le coût de la facture, il est plus important. Bon, pour l'instant, il est estimé avec les destructions, hein, à quelques dizaines de millions d'euros. On ne sait pas plus. Mais les autres, hein, que ce soit Eiffage ou Albertis, ils ont également été en fait affectés. Et d'ailleurs, l'association des sociétés d'autoroutes françaises a fait savoir par son délégué général qu'il n'y avait pas eu d'exemple comparable d'un tel événement qui ait causé autant de dégâts, d'entraves à la perception du péage. Et pour, il a rappelé aussi, hein, le délégué général, c'est important que s'il y avait d'éventuelles indemnisations, eh bien, c'était uniquement lié au contrat qui avait été signé avec les sociétés d'assurance. En même temps, ces préjudices ne vont pas mettre en péril Vinci sur le plan financier. Alors clairement non, quelques dizaines de millions d'euros, ça ne pèse pas lourd par rapport aux milliards d'euros que rapportent, ne serait-ce qu'à Vinci, hein, les 4443 kilomètres d'autoroute qu'il gère en France. Et pour que ça parle à tout le monde, j'ai fait un petit calcul, ça va vous parler tout de suite, vous allez voir. Un kilomètre d'autoroute, ça génère pour Vinci 3250 euros de péage par jour. Et la marge nette, c'est quoi la marge nette, hein? C'est ce qui reste une fois qu'on a enlevé les annuités d'emprunt remboursées, les salaires payés, les impôts payés aussi. Cette marge nette, c'est 25%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque kilomètre d'autoroute rapporte chaque année près de 300 000 euros à Vinci. Mais cet argent, il va juste dans les poches des actionnaires? Non, si on prend les investissements qui ont été réalisés en 2017, on voit que leur montant, il équivaut à la moitié des bénéfices. Mais pour financer ces investissements, eh bien Vinci, comme d'ailleurs toutes les autres sociétés d'autoroutes, ont renégocié de nouvelles hausses de péages. Au départ, il faut savoir, hein, les péages, ils devaient augmenter moins vite que l'inflation. Et puis, il y a eu une renégociation après que Ségolène Royal ait imposé en 2015 un gel du niveau des péages. Et donc, cette année, au 1er février, enfin cette année, en 2019, hein, les tarifs devraient augmenter de 1,9%. Et c'est d'ailleurs sans doute pour cette raison qu'il y a eu cette polémique qui a été déclenchée par Vinci, on fait peut-être un peu monter la pression pour justifier demain la future hausse. Merci. Merci. Est-ce le grand retour des privatisations en France ? Le gouvernement vient de donner son feu vert à la privatisation d'Aéroports de Paris, d'Engie et de la Française des Jeux. On en attend 10 milliards de recettes qui viendront alimenter un fonds pour l'innovation de rupture. En 30 ans, la France a connu plusieurs grandes vagues de privatisation. La première a débuté en 1986. Il s'agissait, à l'époque, de dénationaliser des pans entiers de l'économie qui étaient passés sous la coupe de l'État après-guerre ou en 1982. C'est Édouard Balladur qui était aux manettes à Bercy. Il n'était pas uniquement ministre de l'économie et des finances, mais aussi de la privatisation. Saint-Gobain, Société Générale, Suez, TF1, Havas, Paribas. Le gouvernement dresse une liste de 65 entreprises qu'il faudra céder. Mais il ne peut pas aller au bout de son plan du fait du krach boursier de 1987, mais aussi de l'alternance politique. En 1988, lorsque la gauche reprend le pouvoir, elle décrète la politique du ni-ni. Ni nationalisation, ni privatisation. Les privatisations reviennent en force lorsque la droite gagne les législatives en 1993. Le programme initié 5 ans plus tôt peut reprendre. Le mouvement se poursuit sous Lionel Jospin. Cette fois, ce sont les engagements pris vis-à-vis de la Commission européenne qui poussent à privatiser et la libéralisation dans le secteur du transport et des télécoms. C'est notamment à la fin des années 90 que Air France ou France Télécom ouvrent leur capitale. Durant le deuxième mandat de Chirac, de 2002 à 2007, la tendance s'accélère encore. Cette fois, c'est le secteur de l'énergie qui s'ouvre à la concurrence. C'est là qu'on assiste à la privatisation, du moins partielle, d'EDF et de GDF. La réduction de la dette publique devient une motivation de plus en plus importante. C'est ce qui justifie la cession des autoroutes en 2005. Le résultat de tout ça, c'est qu'en près de 30 ans, l'État a cédé pour plus de 130 milliards d'actifs. En 1990, la France comptait plus de 1,7 million de salariés travaillant dans les entreprises du secteur public. Aujourd'hui, ils sont un peu moins de 800 000. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas toujours la droite qui privatise le plus que la gauche. Alors bien sûr, le champion de la privatisation, c'est le gouvernement Villepin, puisqu'entre 2002 et 2007, près de 38 milliards d'actifs ont été cédés. Mais le gouvernement Jospin arrive juste derrière. De 1997 à 2002, ce sont 31 milliards d'actifs qui ont été vendus. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que le plan de privatisation d'Emmanuel Macron marque une rupture ? Bien finalement, il se situe plutôt dans la lignée des deux quinquennats précédents. Les 10 milliards de cessions d'actifs annoncées sont légèrement supérieurs à ce qui a été réalisé sous Nicolas Sarkozy, mais légèrement inférieurs aux cessions d'actifs réalisées sous François Hollande. À moins qu'Emmanuel Macron ne décide d'aller plus loin. Car la nouvelle doctrine de l'État actionnaire, c'est de ne garder que les entreprises essentielles pour la défense nationale, pour le service public ou celles qui présentent un risque systémique. Vampicité dans la débile, la mécaète dans la mafia, un coup de sourdine, dessus combine, et t'avais ton radar. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est toi que t'aimes la mandoline, mais la mafia elle, elle aime ça. Vaut mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia elle, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pour riche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie de la mafia, se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue Seine, en crachant sur ceux qui te gênent, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia. Avec une crèche, dans une calèche, et des croque-mûches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup d'homme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, un seul amour, un seul amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, avec des X. Ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Les violences policières ne sont pas nouvelles malheureusement, les habitants des quartiers populaires en ont l'habitude depuis des années et leurs auteurs profitent d'une totale impunité. Arnold Genty et Raphaël Georges ont reçu Amal Bentounsi, la sœur d'Amin Bentounsi, tuée d'une balle dans le dos par un policier en 2012 et figure du collectif Notre Police Assassine, c'est son facecam. À chaque fois qu'une personne meurt entre les mains de la police, il y a un processus qui est identique à chaque fois, c'est la criminalisation de la victime à titre posthume, de façon à faire croire qu'elle serait responsable de sa propre mort. Alors, Amal Bentounsi, du collectif Urgence Notre Police Assassine. Je fais partie de ce collectif depuis 2012, depuis la mort de mon frère Amin Bentounsi, qui a été tué d'une balle dans le dos à Noisy-le-Sec le 21 avril 2012. Mon frère avait un passé de délinquant, mais c'est pas pour autant qu'il méritait la mort. J'ai appelé mon avocat, je lui ai demandé de me constituer partie civile, demander une autopsie. Et en fait, c'est l'autopsie qui a révélé que c'était une balle dans le dos. On a lancé des appels à témoins, donc ça s'est avéré payant, puisque de zéro témoin, on est passé à 7 témoins. Et les 7 témoins qui disent exactement la même chose, Amine courait, il était de dos, à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. Il faut savoir que le premier procès, avec toutes les preuves et les charges accablantes contre ce policier, et même le témoignage d'un de ses collègues qui dit à ce moment-là « Je suis désolée, j'ai menti », et il s'est effondré à la barre. « J'ai menti pour protéger mon collègue ». Malgré tout ça, en première instance, il a été acquitté. La chance qu'on a pu avoir, c'est que le procureur de Bobigny a fait appel de cette décision. Un deuxième procès, en 2017, qui a eu lieu du 6 au 10 mars 2017. Et là, ça a été une véritable petite victoire, puisque ce policier, il a été condamné à 5 ans de sursis par la cour d'assises. C'est une condamnation en demi-teinte, bien évidemment, mais c'est une condamnation quand même. Pour moi, il était essentiel de mener un combat collectif, puisque je me suis rendu compte que mon frère n'était pas la seule victime et qu'il y en avait bien d'autres avant. Il faut rappeler que les victimes, ce sont essentiellement des Noirs et des Arabes. Et on est à 15 morts par an. Ça, c'est les chiffres pour 2015. Le constat qu'on fait, c'est que la justice, elle ne fait rien, en fait. Elle essaye de mener, soi-disant, d'ouvrir des pseudo-procédures, mais on sait pertinemment comment ça se termine, on sait pertinemment qu'à chaque fois, ça se termine par un non-lieu. À chaque fois qu'une personne meurt entre les mains de la police, il y a un processus qui est identique à chaque fois, c'est la criminalisation de la victime à titre posthume, de façon à faire croire qu'elle serait responsable de sa propre mort. On a l'habitude de voir les gros titres et on a l'habitude que les médias relaient uniquement la version policière. Donc nous, depuis 2012, on essaye de sensibiliser ces journalistes sur les éléments matériels qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, notamment parce qu'ils ont dit que mon frère avait une arme à ce moment-là. Donc nous, on a demandé, est-ce que sur cette arme-là, il y avait des empreintes ADN? Donc il s'avère que sur cette arme que personne n'a vue, aucun témoin n'avait vu, il y en avait quatre empreintes ADN masculines, mais qui ne correspondaient pas à celles de mon frère. souvent dans ce genre d'affaires. Vous avez des policiers, notamment des policiers des RG, qui viennent, qui rencontrent la famille et qui leur disent « Attention, il faut maintenir le calme, il faut faire un appel au calme, vous inquiétez pas, il y a une enquête qui va être ouverte. » Donc la famille, tout de suite, elle se dit « Bah, il y a une enquête, donc forcément, il y a une plainte. » Et non, c'est pas automatique, mais c'est une enquête préliminaire. Et il se peut que si la famille ne se constitue pas partie civile en temps et en heure, que au final, le procureur, hein, qui est lié hiérarchiquement au ministère de la Justice, prononce un non-lieu et ne nomme pas de juge pour aller faire les investigations nécessaires. On s'en rend bien compte, dans de nombreuses affaires, c'est des non-lieux, c'est des classements sans suite. Ça veut dire que c'est comme s'il ne s'était rien passé, en fait, tout simplement. Et c'est ça la difficulté et c'est ça le drame, puisque quand on est victime collatérale, quand on a perdu un proche à la suite d'une opération policière, on n'est pas victime à part entière. On est des victimes, mais des victimes de la police. Jeudi soir à 20h30 sera diffusé le 5e numéro d'Au Combat consacré aux violences policières qui touchent les jeunes habitants des banlieues, les sans-papiers et désormais les gilets jaunes. Je vous propose de regarder le teaser. Habitants de banlieue, nous n'avons pas besoin de nous mobiliser pour être éborgnés, pour manger des coups, pour être humiliés et pour être tués, tout simplement. Ils nous ont dit de regarder. Le policier, il m'a dit de me mettre à genoux, main sur la tête. Il y a certains gamins à qui on a déchiré les conventions de stage en lui disant « t'en as pas besoin, tu veux rien faire de ta vie ». Maintenant, c'est normal pour nous, en fait, qu'ils nous insultent et tout. La génération de maintenant, elle est cassée. Je suis choquée de savoir que les jeunes vivent avec ça dans leur tête et dans leur psychologie. C'est assez choquant que vous soyez choqués. C'est ce que nous, on voit tous les jours. Ces mômes, ils sont confrontés à une espèce de rhétorique qui les exclut, de fait, de la République, de la société. La violence policière, la violence d'État, la violence étatique, elle est là pour nous fermer notre bouche, en fait, tout simplement. C'est ça, notre vie, avec peur dans le ventre. La police est là pour défendre les intérêts des puissants et de ceux qui nous gouvernent et de l'État. On a le même objectif. On va y arriver, ça, c'est sûr. Les Français ne se cacheront plus pour souffrir et encore moins pour mourir. Moi, je leur conseille de démissionner. Parce que ce qui va se passer, ils ne pourront pas l'arrêter. Attaque et la Fondation Copernic viennent de publier un ouvrage collectif essentiel à quelques semaines des élections européennes. Cette Europe malade du néolibéralisme, l'urgence de désobéir. Cédric Durand, notre chroniqueur économiste atterré, l'a lu et vous explique pourquoi il est effectivement urgent de désobéir dans la chronique Europe. L'association Attaque et la Fondation Copernic viennent de publier un livre intitulé « Cette Europe malade du néolibéralisme ». Ce titre reflète l'état de décomposition avancée du projet européen. Mais les contributeurs n'en restent pas là. En explicitant l'urgence de désobéir, ils définissent une stratégie internationaliste pour sortir la gauche de l'impasse eurobéate. L'avenir appartient à la gauche, c'est ce qu'annonçait le mois dernier le Financial Times. L'affirmation a de quoi surprendre. La situation politique n'est pas brillante. Les institutions de l'Union sont une forteresse néolibérale à laquelle se raccrochent les partis centristes. Autour, les forces fascisantes prospèrent et concoctent la pire formule qui soit, celle du nationalisme autoritaire et de l'injustice économique. Alors, pourquoi espérer de la gauche? Eh bien, tout simplement parce que ni les néolibéraux, ni les fascistes n'ont de propositions à la hauteur des défis de notre époque. Réduction des inégalités, transition écologique, internationalisme, ces thématiques appartiennent à la gauche. Elles sont au cœur du livre que l'association altermondialiste Attaque et la Fondation Copernic viennent de consacrer à l'Europe. Cette Europe malade du néolibéralisme est un ouvrage extrêmement bienvenu. En moins de 200 pages, il réalise un tour de force. Donner les clés historiques et économiques pour comprendre l'échec européen, rendre visibles les résistances et mettre sur la table une stratégie crédible pour le camp de l'émancipation. La première qualité du livre est de prendre la question européenne dans sa globalité. Dans la logique du néolibéralisme, tout s'emboîte. Démantèlement des protections sociales, destruction environnementale, entaille contre la démocratie, xénophobie, précarité du travail, inégalité de genre, tous ces fléaux ne sont pas des phénomènes isolés. Ils sont le produit de ce que les auteurs du livre appellent un fédéralisme autoritaire. Un agencement politique qu'ils décrivent de la manière suivante. Les politiques économiques et sociales réduites à l'application des normes disciplinaires sont exclues du débat public et de la décision démocratique. En d'autres termes, l'économie contre la démocratie. C'est ça, le fédéralisme autoritaire. La seconde qualité du livre est de proposer une stratégie claire. Les auteurs la résument d'une formule impeccable. Rompre avec l'UE en désobéissant au traité, dans une perspective de refondation d'un nouveau projet européen. En quoi cela consiste-t-il concrètement? Principalement en trois choses. Premièrement, s'appuyer sur les mouvements populaires. En finir avec le néolibéralisme européen n'est pas une mince affaire. Sans l'énergie vitale des mouvements sociaux, c'est une bataille perdue d'avance. Susciter et renforcer les mobilisations est donc une nécessité absolue. Deuxièmement, désobéir. Pour les auteurs du livre, la rupture au niveau national est un levier indispensable. Un gouvernement déterminé à rompre avec le néolibéralisme devra refuser les carcans des traités pour mener à bien son projet. Cela signifie notamment refuser l'austérité et rétablir les contrôles de capitaux. Mais les auteurs n'en restent pas là. Conscients du pouvoir considérable de la Banque Centrale Européenne, ils font une remarque décisive. La sortie de l'euro devra être utilisée comme une menace. C'est la première fois que l'association altermondialiste assume la perspective d'une sortie de l'euro. Et cela change tout. Il ne s'agit pas de souhaiter la sortie de l'euro, mais d'être prêt à cette éventualité. La possibilité de sortie de la monnaie unique est la pierre angulaire qui donne sa cohérence et sa crédibilité à cette stratégie contre le néolibéralisme européen. Le troisième ingrédient est tout aussi essentiel. Pour les auteurs du livre, toute rupture nationale doit être simultanément une offre de solidarité. L'affrontement contre l'Europe néolibérale est l'exact contraire d'un repli nationaliste. C'est une invitation à se coordonner pour renforcer les droits sociaux et planifier la transition écologique. Face au pourrissement de l'Europe néolibérale, ATTAC et la Fondation Copernic ont trouvé l'antidote. Constituer un bloc social sous la bannière de la justice sociale et environnementale. C'est la fin de ce journal. Aujourd'hui, le président chinois Xi Jinping est en France. Arrivé hier à Paris, Xi Jinping se réunit aujourd'hui avec Emmanuel Macron, mais aussi avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et la chancelière allemande Angela Merkel. L'occasion pour eux, comme à chaque rencontre, de signer des contrats commerciaux ou des accords de coopération. Mais l'occasion pour nous, aux médias, de parler de la République populaire de Chine. On s'accorde tous à dire que la Chine est un grand pays, le plus peuplé au monde. Mais que savons-nous réellement de cet État? Comment la Chine est-elle devenue l'un des pays les plus puissants au monde? Avant de vous quitter, je vous rappelle que Le Média est le seul journal audiovisuel indépendant des puissances financières et politiques. Nous vivons seulement grâce aux contributions de citoyens qui nous permettent de produire une information libre. Vous pouvez nous soutenir en vous rendant sur le site lemediatv.fr. Je vous laisse en compagnie de Rémi Kenzo Pagès et Rémi Herrera et vous souhaite une très bonne soirée. Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux, qui fait des épates. Il passe sa vie à nocer, à 20 ans c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse. Incapable de gagner son pain, voilà le type du vrai gandin. Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignant. Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres. Tandis que vous, prêtre, pasteur, rabbin, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or, elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment ? pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs. C'est l'histoire d'un repenti. Là, on est dans une parcelle que l'on a mis en agriculture biologique. Je retrouve mon métier d'agriculteur, de paysan, parce que paysan pour moi est un mot noble. Souvent on parle paysan. Non. Vous savez, moi dans les années 90, des agriculteurs comme moi, on les appelait les agri-managers. Ah, ça c'est très pompeux. Aujourd'hui, l'agriculture basée sur la chimie, vous avez un bon smartphone, vous recevez des informations. Il y a de la maladie, il faut traiter. Il y a des insectes et tout ça, c'est de la promotion de la chimie. Il y a 6 ans encore, Paul-François dopait ses champs aux produits chimiques. À l'époque, impossible pour lui de cultiver ses terres sans l'aide du Lasso, un pesticide de Monsanto qui a détruit sa santé. Je ne peux pas sortir sans avoir avec moi des médicaments pour pouvoir contrôler la douleur quand elle arrive dans la journée. Maux de tête, amnésie, malaise à répétition, Paul-François est handicapé à 40% depuis ce jour d'avril 2004. Le 27 avril 2004, j'ai voulu vérifier le nettoyage de cette cuve qui est embarquée sur l'appareil qui nous sert à l'épandage des produits phytosanitaires. Et malheureusement, il restait du produit dans la cuve et ce produit contenait un solvant qui était devenu un gaz. Et en ouvrant la cuve pour vérifier le nettoyage, j'ai inhalé ce gaz. Le responsable de cette situation, c'est clair, c'est indiscutable, c'est bien le Lasso que j'ai inhalé, le Lasso fabriqué par Monsanto que j'ai inhalé le 27 avril 2004. Paul-François se dit victime du Lasso, mais aussi responsable, parce qu'il a longtemps été un céréalier prêt à tout pour améliorer le rendement de ses terres, sans jamais remettre en question les arguments de vente de Monsanto. Sur le soja et le maïs, pour désherber avant ou après le semis, il n'y a pas 36 solutions. C'est Lasso et c'est rentable. Lasso de Monsanto. Ensemble, défendons votre terre. Quand les gens se demandent pourquoi on ne s'est pas méfié, comment voulez-vous, après des messages tels que celui-ci, qu'on se méfie? Et ils osent dire qu'ensemble, on va protéger notre terre. On a parlé de la toxicité sur nous, agriculteurs, mais je peux vous dire que ce produit, sur la terre en elle-même, il ne tuait pas que les herbes. Il était hautement toxique. Il y a 6 ans, Paul-François se lance dans un pari un peu fou. Poursuivre Monsanto en justice et faire reconnaître son statut de victime. Face à lui, le numéro 1 mondial des pesticides. We're Monsanto, and we're working with farmers and partners worldwide to realize a vision for sustainable agriculture. L'agriculteur charentais défie la multinationale de l'agrochimie, Monsanto, et ses 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En 2012, les juges donnent raison à Paul-François. C'est une première. La firme américaine Monsanto a été jugée responsable par le tribunal de Lyon, responsable de l'intoxication à l'herbicide d'un agriculteur français. Il a le sourire car lui, Paul-François, simple agriculteur, découvre qu'il vient de faire condamner le géant mondial des pesticides, Monsanto. Mais le combat continue pour Paul-François, devenu le porte-parole d'une génération d'agriculteurs intoxiqués. Son association, Phytovictimes, défend les droits de plus de 200 malades des pesticides atteints de cancer ou de maladies de Parkinson. Les gens disent oui, les firmes c'est des pourris, il faut les faire condamner. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut y aller au charbon, excusez-moi du terme, il faut y aller au combat. Son combat pour les victimes, Paul François le porte sur les routes de France. Un travail qui paye. À droite comme à gauche, les politiques sont désormais à son écoute. C'est Nicole. Ça va, Paul ? Et toi ? L'agriculteur tutoie cette sénatrice socialiste. Nicole Bonnefoy vient de déposer un projet de loi. S'il est adopté, les industriels devront indemniser les victimes des produits chimiques. En coulisses, Paul François a pesé sur la rédaction du projet. C'est un travail de lobbying, mais qui est tellement, je dirais que c'est on n'est pas dans la même vie, on joue pas dans la même cour. Eux, ils ont des moyens colossaux, donc nous, on le fait avec nos moyens. Mais je dirais qu'on a quand même, pour nous, une sincérité. Moi, j'ai pris mes responsabilités en attaquant Monsanto. J'aimerais que tous les politiques en fassent de même. Pour dire aux firmes, stop, c'est nous qui commandons et arrêtez de nous faire le chantage emploi, environnement et santé. Il y a moyen de garder de l'emploi, moyen de préserver la santé et l'environnement, c'est un faux débat. Il faudrait que les politiques aient le courage de dire à ces firmes, stop. La dernière étape du combat de Paul François, c'était ce week-end à La Haye, aux Pays-Bas. Seul Français invité d'un happening organisé par des associations du monde entier. Un faux tribunal international contre Monsanto. Mais témoigner à la barre d'un faux procès, à quoi ça sert ? Ce soir, on va lui poser la question. François de Rugy, Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice prétendent savoir ce qui se passe dans votre tête et ils le mettent en scène avec votre conscience, vos consciences. Serait-il prétentieux ? Ouais, salut. Oui. Bon, ben moi, je suis la conscience de gauche de François de Rugy. Oui, de Rugy. De Rugy. Parce que moi, je suis la conscience de droite. On dit de Rugy. Oui. Ça, pour être précis, c'est François Goulet de Rugy. Oui, bon, ça va. Bref, on est très content d'être ici. Oui, alors moi, je suis ravie de voir Dominique Seux en vrai. Oui, bah, moi, je suis content de voir Thomas Legrand. Hein. Salut, camarade. Oui, alors, si on est là, c'est pour vous dire que c'est pas facile d'être dans la tête de François en ce moment. Non, on dirait la cohabitation Jospin-Chirac tous les jours. C'est tout à fait ça. Voilà. Franchement, c'était mieux quand c'était moi qui gérais. Quoi. On était écolo, on bouffait des graines. Ben, on faisait pipi sous la douche, c'était dégueu. Ouais, mais bon, on avait des convictions, on était contre le nucléaire. Ouais, c'est ça, on avait une vie toute pourrie, quoi. On jouait du djembé avec des punks à chien, on écoutait Manu Chao. Qui ça ? Mais Manu Chao, là, vous prenez que revient. Manu Chao, oh, on dit. Quelle horreur. Heureusement que j'ai repris le contrôle, parce qu'avec toi, alors qu'il est, on aurait le swag de Yannick Jadot. Ouais, non, mais bon, de là à être au Conseil des ministres, même Nicolas Hulot, il est parti. Mais Hulot, il est même pas l'ambition d'aller chez le coiffeur. Pour être ministre, faut une coupe bien nette. Regarde comme on est beau, grisonnant. Là, on dirait Georges Clooney. Bon, on est beau, tu parles. On ressemble à un vendeur de Conforama qui se prend pour Haroun Tazieff. Oh, tu m'agaces. Dis, tu diras pas ça chez Hanouna. Hein. Ah non, on va pas chez Hanouna. C'est hors de question, ça. Ah si, hein, tu m'as traîné à France Inter. On ira chez Hanouna. Non. Mais tu veux pas qu'on se fasse une bouffe avec nos vieux potes écolo, là. Donc, qui ça, Denis Baupin ? Non, arrête avec ça. Jean-Vincent Placé, le gars tout le temps bruit en boîte, là, on dirait Castaner. Non, des vrais, des militants. Parce que là, tu sais comment ils nous appellent ? Non. François CO2 Rugy. Oui, bah ça c'est bien la preuve qu'il ne nous méritait pas. Oh. De toute façon, nos nouveaux copains sont beaucoup plus fréquentables. Ouais, arrête de dire que c'est des copains, déjà c'est des lobbies qui bousillent la planète. Non, ça mais non, on va la sauver la planète. On y va à petits pas, hein, François, petits pas. Ça m'agace la complicité. Ouais. Tu veux pas qu'on fasse plaisir à Alexandra Ben Saïd ? Bah, pourquoi ? Mais elle a jamais vu ce que ça faisait un ministre de l'écologie qui démissionne en direct. Mais ça va pas, mais vous à gauche, vous avez vraiment un problème avec les gens qui réussissent. Mais désolé d'étaler le plein châle comme ça. Oui, mais, c'est vrai que bon, ça chauffe un petit peu entre nous, mais il y a pire. Ouais, c'est vrai qu'il y a la conscience d'Aurore Berger, là, oui. C'est le bordel. Hein. Il y a les idées de Juppé, du Macron, du Jacquetel, du Bob l'éponge. N'essaye pas de noyer le poisson. Hein. C'est à cause de toi si on a le charisme d'un ficus. Ah, bah c'est bien le dernier truc qui nous reste de verre. Enfin, tu m'agaces. Allez, qu'on en finisse. Allez, François, choisis-moi. Non, choisis-moi, François. Non, allez, reviens François, comme avant, moi, François. Bon, allez, vous savez quoi ? On va faire du shopping, ça va nous détendre. Oui, parce qu'il faut que François se rachète une nouvelle veste. Bah ouais, toute foutue à force de la retourner. Voilà. Allez, bonne journée à tous les deux, Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice. Le décryptage de la prestation d'Emmanuel Macron mardi, les déclarations de Christian Estrosi sur les gilets jaunes, c'est le sommaire du numéro 29 du Petit Coup de Bourbon, un peu particulier, puisque les députés ne siègent pas cette semaine. Le président de la République s'est donc adressé à la nation mardi soir, habité par une fièvre évangéliste qui rappelait les accents de la campagne présidentielle et les cours de théâtre que dispensait son épouse quand il était lycéen à Amiens. Une allocution pour dire quoi au fait ? Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. 5 ans. Faisons semblant d'y croire un instant. Cela nous mène à 2024 et aux Jeux Olympiques de Paris. Cela méritait-il qu'Emmanuel Macron vînt devant les caméras ? Un communiqué eût suffi. Peut-être voulait-il nous suggérer qu'il faudrait le réélire en 2022 pour que la promesse soit tenue. Peut-être. Mais il y avait un autre message, un message électoral. Écoutez bien. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais, jamais, et que nous aurons toujours des épreuves à surmonter, que ce que nous croyons en quelque sorte indestructible peut aussi être atteint. Tout ce qui fait la France, matériel et spirituel, est vivant, et pour cette raison même est fragile. Et nous ne devons pas l'oublier. Et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui, qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française. Cela ne vous rappelle rien ? Ce refrain permanent sur la menace populiste qui aurait déjà submergé le pays sans la clairvoyance de l'hôte de l'Élysée. Oui, Emmanuel Macron poursuit sa campagne électorale. Hier, c'était le grand débat. Aujourd'hui, c'est Notre-Dame. Tout est prétexte à marteler cet unique message. Moi ou le chaos. Car ramenons l'incendie de Notre-Dame à sa juste proportion. S'il impacte assurément l'imaginaire national, on ne peut laisser croire qu'il menace la stabilité de notre vie collective ou la continuité des institutions. Souvenons-nous des attentats du 13 novembre 2015 et leur cortège de sang. Là, oui, le pays aurait pu sombrer. Il ne l'a pas fait. Quelle que soit l'émotion collective, cette dramatisation est malhonnête. Emmanuel Macron cherche à se poser en chef de guerre. Entendez-le. Le feu venait d'être vaincu, à peine. Le feu n'a pas été éteint, il a été vaincu. Et la métaphore a été filée jusqu'à nommer hier un militaire à la tête de la mission chargée de surveiller les travaux. Rien moins que l'ancien chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin. Le retour de l'Alliance, du Sabre et du Goupillon. Et le mouvement social, et les Gilets jaunes. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais, en quelque sorte, l'espèce de fausse impatience qui voudrait que il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Piège de la hâte, fausse impatience. Voilà juste 5 mois que le pays attend une réponse, depuis le 17 novembre. Si ce n'est pas de la patience, ça. À vrai dire, Emmanuel Macron, s'il avait été habile, aurait pu conjuguer les annonces concluant le grand débat et celles concernant Notre-Dame. Ne s'agit-il pas de rebâtir là un bâtiment, ici la Concorde nationale? Ne s'agit-il pas du sang et de la sueur des hommes, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui? Il pouvait être gaullien. Mais non, pour le chef de l'État, la souffrance du peuple ressort du tumulte politique, du vulgaire, de l'intendance. Lui tutoie l'éternité, celle de la monarchie et son manteau de cathédrale. Il ne faut pas négliger ce trait de caractère. Par 2 fois déjà, Emmanuel Macron est allé s'incliner à la basilique Saint-Denis devant les tombeaux des rois de France. La première fois, c'était au lendemain de sa candidature à l'Élysée. La seconde fois remonte à l'année dernière. Et en juillet 2015, ne soulignait-il pas dans une interview que la figure du roi était le grand absent de la politique française ? Bref, en quête de sacrer, notre monarque républicain n'entend pas aujourd'hui se laisser voler son moment de communion. Surtout par des foules haineuses, pour reprendre ses mots. Et puis il y a un petit calcul politique derrière ce prêche télévisé. Le détail des décisions concluant le grand débat est connu. La plupart des rédactions, pas celles du média, ont reçu le texte de l'intervention présidentielle une bonne heure avant l'horaire prévu pour l'allocution annulée in extremis de lundi. Que voulez-vous ? Il faut un peu de temps pour rédiger un article. Voilà donc les médias plongés dans une curieuse situation. Comment résister à la tentation de dévoiler les intentions du chef de l'État, sachant que le concurrent a les mêmes informations ? Dans les dernières heures, chacun y est allé de ses pseudo-révélations. Énumérons-les. Réduction du nombre de parlementaires, dose de proportionnelle aux législatives, simplification du référendum d'initiative parlementaire, recours possible au RIC pour les sujets locaux, moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux, évaluation de la suppression de l'ISF, suppression de l'ENA, réindexation des petites retraites inférieures à 2000 euros, garantie de l'État pour le versement des pensions alimentaires. Vous n'avez entendu aucun responsable politique commenter ces mesures ? C'est normal. Tant que le président n'a pas prononcé son allocution, elles n'ont pas d'existence officielle. Et donc impossible de les critiquer. En revanche, les éditorialistes les dissèquent à foison, assurant ainsi gracieusement le service après-vente. Cet opportunisme pourrait cependant se fracasser sur la souscription nationale. Comment les Français ne se poseraient-ils pas des questions alors qu'on leur répète qu'il est impossible de financer la santé, l'éducation ou les retraites ? Voilà qu'ils découvrent qu'on peut lever 1 milliard d'euros en quelques heures pour une cathédrale. Et quand ils avancent dans leur réflexion, ils s'aperçoivent que par le jeu des déductions fiscales, les riches choisissent en fin de compte à quoi va servir leur impôt. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Le voile de l'émotion ne masquera pas longtemps ce constat. En Macronie, l'argent est roi. On le subodorait, il se trouverait bien un responsable politique pour appeler à la fin des manifestations des Gilets jaunes à la faveur de l'incendie de Notre-Dame. C'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui s'y est collé. On l'écoute. Je demande très clairement à ce qu'on cesse toute manifestation dans ce temps où les Françaises et les Français ont besoin de se retrouver. Cette semaine, c'est Pessa pour la communauté juive, ce sont les fêtes pascales pour la communauté chrétienne. Je crois qu'il est important de respecter tout cela. Il faut apparemment le rappeler, la République est laïque. Qu'un élu avance à la proximité des fêtes religieuses pour appeler à la fin des manifestations est tout simplement sidérant. Mais, par les temps qui courent, les principes républicains sont souvent malmenés. We'll be right back. Le 7-9. Charline Vanhoenacker, les mots peuvent difficilement rivaliser avec les images pour parler de l'incendie de Notre-Dame. Oui, on a l'habitude de perdre des monuments de la chanson, des monuments du cinéma, mais perdre un monument historique. Personnellement, j'étais d'autant moins préparée qu'à Bruxelles, on n'a pris aucun risque en érigeant comme monument national le Manneken-Pis, dont le dispositif anti-incendie est intégré, si je puis dire. Par ailleurs, notre cathédrale à Bruxelles s'appelle Saint-Michel et Gudule. Alors, elle est très jolie, elle date du 16e, mais bon, quand tu t'appelles Gudule, t'en imposes déjà un petit peu moins. Pour se consoler un peu, vous me direz, les Grecs s'enorgueillissent encore du Parthénon, auquel il ne reste que quelques colonnes et un fronton. L'Arc de Triomphe la ramène moins, avec ses tags. Qui aurait pu prévoir que les colonnes de Buren survivraient à Notre-Dame, que la pyramide du Louvre leur a l'air un petit peu nouille de fêter ses 30 ans, que même un trompe-l'œil de JR ne pourra pas faire office de sparadrap sur la cathédrale. Et quand on pense que les tulipes de Jeff Koons sont sans doute ineffugées, là je vous dis on a gravement les boules. Ouais. Et voilà, pour une fois qu'un bâtiment de Paris était à la hauteur du prix au mètre carré, il faut qu'il brûle, c'est rageant. Notre-Dame a traversé les siècles, les guerres, les touristes japonais, mais elle n'aura pas survécu à un échafaudage, près de 2 siècles pour la construire, quelques heures pour tout détruire. Alors on va la relever bien sûr, mais on ne verra peut-être pas la fin des travaux de notre vivant. Ça rend très humble, mais ça revalorise terriblement le CDI de chantier. Double peine, Donald Trump a suggéré d'envoyer des canadaires, donc en plus de vouloir nous briser le cœur, il veut assommer les Parisiens et achever les 2 tours avec 6 tonnes d'eau. Ça se confirme, il est aussi expérimenté en incendie qu'en féminisme. Notez, ça aurait pu être plus grave, hein. Il aurait pu confondre Notre-Dame avec une mosquée. Oh là là, le minaret s'est effondré. Donc on s'en sort plutôt pas mal. En revanche, si Victor Hugo nous observe, je vous laisse lui expliquer que la flèche de Notre-Dame est tombée en direct sur BFM TV. Monsieur Riester, il y a 3 jours, il était encore à Coulommiers, au chevet de la fromagerie touchée par la listeria, époque bénie du patrimoine. On est peu de chose. On nous avait pourtant bien prévenu qu'on allait vivre un moment historique hier soir. De quoi nous rappeler qu'un agenda politique, ce ne sera jamais un moment historique. Alors aujourd'hui, c'est le monde entier qui est ému. Même la statue de la liberté la ramène plus trop avec sa torche à la main. Mais elle nous rappelle que quand un symbole brûle, ça met beaucoup, beaucoup de temps à s'éteindre. Merci Charline Vanhoenacker. D'alcool et de femmes, accouchée dans mon lit, que ça ferait un drame avec ma légitime. La ligne de mon cœur va comme un fleuve en crue, où des filles en fleurs aiment se baigner nues à mes joies maritimes. Et j'irai me perdant à leur tendre océan, comme ces marins qui n'en repartirent plus. Ces peintres maudits que les dieux ont élus. Moi qui n'aime que moi les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit. Agitant m'a prédit la fortune et la gloire, le jour où mon génie entrerait dans l'histoire, quand sonnera mon heure. Ma ligne de succès va comme une rivière qui partit des sommets, descend jusqu'à la mer, vers des aubes meilleures. Et j'irai en héros au milieu des bravos, comme ces peintres morts qui ne les eurent pas, ou ces marins au port pour qui sonne le glas. Moi qui n'aime que moi et les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit. Un gitan m'a prédit tout ce dont vous rêvez, de l'argent, des amis, des femmes à mes pieds, sans la moindre décence. De ma ligne d'amour, il ne m'en a rien dit, et comme alors le jour se levait sur Paris, il y eut un silence. Nous nous sommes saoulés pour fêter le passé, comme ces marins qui revivent leur 20 ans, où